l'agneau, le Seigneur sur son trône. Oui, élève ta voix, commence à prier. Dieu n'y a nu à sa haute et à corps. Tonton Grosse, il faut bien attirer attention. Ma contradiction à ma parole. Dieu de gloire. Et puis, mon bébé valide. Nyanyoa Sao Teako. Attire attention à micro, ma papa flair et tout. Alléluia, Shama. Alléluia, Dieu. Nyanyoa Sao Te. Hello, je teste un peu micro. J'ai même son en prière. Avant d'écouter la parole de ce soir. Mbele ya kusikia neno ya jioni ya leo. Commence à prier. Anja kuomba. Ta voix n'arrive pas encore. Monte encore. Panda tena. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de nous libre. Dieu de gloire. Nous te levons, Dieu. Oui, il est présent ce soir. Dieu est copain à face, Dieu en est. Oh! Dieu. Il est là pour toi. Echo apa Dieu yako. Wow. Il est là pour toi. Echo apa Dieu yako. Dieu de gloire. Oh, alléluia. Seigneur Dieu. Alléluia. Père Dieu de gloire. Il est là ce soir. Echo apa mangaribi. Il est là ce soir. Eko apa Dieu ni kiti yake kopa. Oh, jina yake ni Yesu. Oh, Dieu de gloire. Le nom de Jésus. Yahweh. Il laisse les traces là où il passe. Anaacha wakati tena anapita anaacha bionesho. Eko nacha wakati anapita bionesho. Hata kama anaita bianya binako. Hata kama jiwe likusimamia. Muma isha yako. Hata acha tena bionesho. Hata acha bionesho. Awezi hata kumupia. Bila tena mabadiliko. Awezi kukutana naye. Oh, kubakia ule ule. Seigneur, ce soir. Ce soir. Rakutu le shayama. Wa reklato sadaramanos. Rekudere tantulenes. Rukulukunte le nano shayama. Wa regalado rebailene. Stika sayama no shayama. Oh, jia kapa walo shayama. Dieu de gloire, Omba. Il est présent. Echo Panafaz. Il s'appelle Jésus. Anakuita. Dieu de gloire. Anakuita. Il a dit comment ça. Ajuna Atana Mwango Atana Mushu. Il est Alpha et Apa Juyako. Il termine les choses dans son vie. Oh, Atafana Kitu Maisha Yako. Il a commencé à vous travailler. Anapenda Ku Anza Na Wu. Il a commencé à vous travailler. Anakuatena Na Mwango Nyanzisha. Il a travaillé avec les choses. Dieu de gloire. Prie. Prie. Jika Sayama. Dieu de gloire. Wow. Laisse ton cœur être connecté au Seigneur. Acha moyo wako kujichomeka kwa Bwana. Le cœur est la source de tes paroles. Moyo wako unakuwa chemu chemu ya misemo. Il est la source de tes paroles. Yo inakuwa chemu chemu ya misemo yako. Pas seulement de tes chants, de tes paroles. Aina tu kwa ajili ya kuimba lakini pia misemo. On commence à parler à Dieu. Nakuwa nasema na Mungu. Dieu de gloire. Merci. Dieu de gloire. Oh, merci. Accent de Yesu. Wow. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu. Alléluia. Accent de Yesu. Commence à monter. Anja kupanda tu na misemo. Commence à monter. Anja kupanda na misemo. Il veut t'écouter ce soir. Analazimisha kukusikia mangaribi ya leo. Il veut t'écouter ce soir. Yeye anapenda kukusikia. Oh. Oui, il veut t'écouter ce soir. Yeye anapenda kukusikia mangaribi ya leo. Le Saint-Esprit est présent. Roho Mtakatifu iko pa nafasi. Wow. Esprit de Dieu. Wow. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Apa pamojanas. Oh, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Il est présent avec nous. Eko apa pamojanas. Wow. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à bénir le Seigneur. Et tu n'as pas besoin de sa haute, tu n'as qu'à bariquer. Commence à le bénir. Anja kumbariki. Accente, bon. Ta présence nous fait du bien. Nous te bénissons ce soir. Il y a quelque chose que tu nous as réservé. Qui va changer nos vies. Reçois l'honneur. Pokea heshima. Reçois la puissance et la gloire. Pokea utukufu na uwezo. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza chapa kofi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Tunaweza shangilia mfalme wa falme Bwana ya mabwana. Celui qui nous sauve. Oh, celui qui nous protège. Ni yeye anatuchunga. Yeye anakesha tu yetu. Oh, ile merveilleux. Eko mzuri zaidi. Ile merveilleux. Yeye ni mwema sana. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. Amen. C'est dans cette ambiance où nous sommes debout. Que nous allons recevoir l'homme de Dieu. Pendant que nous invitons le pasteur Trésor. Wakati tunaita pasteur Trésor. Et tu naweza shangilia tena Bwana wa mabwana. Et tu peux célébrer le Seigneur. Et tu naweza shangilia Bwana. La parole qui donne la vie. Kwa ajili ya neno yenye utapewa jioni. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana ibarikiwe. Taomba. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ce soir. Baba Mungu wetu asante kwa jioni ya leo. Encore une fois nous sommes là dans ta présence. Tena tunajikuta muwepo wako. Désireux de recevoir ta pensée. Benye kutamani kusikia fikiri yako. Désireux de recevoir ta parole. Benye kusikia kutamani neno lako. Tu envoyas ta parole et les guéris. Ulituma neno lako na ikawatunza. Ce soir nous n'avons que ta parole. Jioni ya leo tukupaka na neno yako. Elle est notre remède. Inakuwa dawa yetu. Elle est notre boussole. Inakuwa uongozaji wetu. Elle est notre tout. Inakuwa mzunguko wetu. Ce soir nous soumettons à son autorité. Na jioni ya leo tunaiacha kwa madaraka yake. Afin que nous soyons modelés par elle. Ili tupate kuongoza kupitia yeye. C'est ma prière et le vœu de mon cœur. Ni ombi na kutaka kwa moyo wangu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eti tunaweza ushangila kwa jina la Bwana. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana lipate kubarikiwa. Va avec cette force que tu as. Kwenda na uwezo ambao unakuwa nao. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Unaweza kuyasema na jirani wako. Va avec cette force que tu as. Kwenda na nguvu ambayo unakuwa nayo. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Eti unaweza kuyasema kwa jirani wako. Bon, on va changer. Est-ce que tu peux le dire à 10 voisins? Unaweza kuwasema kwa jirani 10. Va avec cette force que tu as. Come on. Kwenda na nguvu ambayo uko nayo. 10 personnes. Tafuta watu 10. Alors dis-leur va avec la force que tu na as. Na uambie kwenda na nguvu ambayo uko nayo. Je ne dis pas la force que tu auras, la force que si tu as maintenant. Au moment où Dieu te parle, kwa wakati Mungu tu as une force. Uko na uwezo. Va avec cette force. Kwenda na ile nguvu. Et fais des exploits. Iko na fanya maishara. Va avec cette force. Kwenda na ile nguvu. Et domine sur les Madianites. Iko na rida ta kuwa Madianite. Va avec cette force. Kwenda na ile nguvu. Domine sur les fils de l'Orient. Iko na rida kuwa toto wa mashariki. Va avec cette force. Kwenda na ile nguvu. Et deviens l'instrument de Dieu pour le salut de plusieurs. Itakuwa chombo ya Mungu kwa wokovu ya watu wengi. Au nom de Jésus, amen. Mujina la Yesu, amina. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Watoto wa Israeli wakafanya ile kumpendeza Bwana. Je suis dans Juges 6 verset 1. Tuko Muamuzi sura ya 6 mstari wa kwanza. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Watoto wa Israeli wakafanya ile kumpendeza Bwana. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Na Bwana kawatia katika mikono ya wa Madiani kwa wakati ule. La main des Madians fut puissante contre Israël. Mukono wa Madiani unakuwa wa uwezo yule ya Israeli. Pour échapper à Madian. Kwa ajili ya kukimbia Madiani. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins de montagne. Watoto wa Israeli walijikokota mu maboma ya milima. Dans les cavernes et sur le rocher. Fortifié. Donnez-moi le verset 14. Tuletee mstari wa 14. L'Éternel se tourna vers lui. Lui c'est Gédéon et dit. Bwana kamtazama akisema naye Gideoni. Va avec cette force que tu as. Kwenda na uwezo ambao unakuwa nao. Et délivre Israël de la main de Madian. Na uokoe Israeli mu mikono ya Madiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je si mimi ninayekutuma. Après avoir placé le contexte de notre temps de prière. Kisha kuweza kuweka msingi hata ya maombi yetu. Le temps des juges, un temps marqué par la crise. Wakati ya waamuzi nakuwa ni wakati ya kukosewa. À trois niveaux. Muatu watatu. Crise politique. Ata kukosewa kwa usiasa. Parce qu'il y avait point de roi en Israël. Kwa sababu kukuwe wafalme mu Israeli. Crise morale. Kosewa ata kwa umutu. Parce que chacun faisait ce que bon lui semblait. Kwa sababu mutu wote alifanya ile mfaizali. Crise spirituelle. Kosewa ata kwa kiroho. Parce qu'il n'y avait pas de direction. Kwa sababu kukuwe uongozaji. Au-delà de la crise qui a marqué le temps des juges. Ingawa ya yote iliweza kupusa wakati wa ramzi. Il y a aussi l'instabilité. Kuna kwa na ile musukosuko. L'instabilité qui a fait que ce temps soit parmi les temps les plus sombres du peuple juif. Et ce temps a servi aussi de transition. Et a permis à Israël de quitter cette période d'instabilité pour aller vers la monarchie ou la royauté. Et nous avions parlé du juge Gédéon. Et sa force et de ses défis. L'un de ses défis, c'était de battre Madian. Madian était l'oppresseur du peuple. À chaque fois qu'Israël s'aimait, les Madianites, ensemble avec les fils de l'Orient et Amalek, venaient pour ravager et prendre leur production. Amalek a fait la même chose dans Exode 17. Israël est sorti de l'Égypte. Amalek est venu combattre Israël, faire la guerre à Israël à Refidim. Et Gédéon, en son temps, était donc appelé à résoudre ce problème, à délivrer le peuple de cette oppression madianite. Un autre défi, c'était de restaurer l'autorité de Dieu. Amener le respect du nom de Dieu. Renverser les autels. Les autels de Baal et Astarté. Et restaurer l'autorité du nom de Dieu, restaurer l'autel de l'Éternel. Un autre défi était plutôt personnel. Il devait vaincre ses peurs. Quoi qu'il soit le plus petit de la famille. Sa famille étant elle-même la plus petite à Manassé. Il devait vaincre cette limitation. Pour aller avec la force il y a ende na yuwezo que Dieu lui avait donné en ce moment ambaye Mungu alimupa kwa wakati ule et délivrer Israël na kukomboa Israeli. Mais comme je l'avais dit, on ne peut pas s'arrêter à Gédéon. Na vile tulisema tuweze kusimamia pa Gideon. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir à nous d'exemple. Ibibitu libafikia ili bikwe kwetu mfano. Gédéon n'est qu'un type. Gideon anakuwa tu ni mtu. Nous sommes dans la réalité. Sisi tunakuwa mkuishi vitu. Ces enseignements ne doivent pas être lus simplement à la lumière des événements historiques. Il mafundisho haiwezi kusomewa kufuatana tu na nuru ya bile biliopita. Il faut les considérer à la lumière du Nouveau Testament. Inafadhali kuyashika na kulinganisha na agano jipya. Cela signifie que la force de Gédéon. Na inaonesha uwezo wa Gideon. Représente quelque chose pour nous le croyant. Iko na utambulisha kitu kimoja kwa sisi wa Kristo. Si la force n'est pas la même. Hata kama uwezo na moja moja. L'enseignement est le même. Lakini mafundisho na wakia moja moja. Gédéon, c'était une question physique. Gideon ilikuwa ni kitu kia umutu. La force était physique. Nguvu ilikuwa ni abumutu. Mais Paul nous apprend que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Paulo anatufundisha sisi tupigane hata na mwili na damu. Contre les dominations. Lakini hata na mauriti yote. Nos batailles à nous ne sont pas physiques comme celles de Gédéon. Ni kusema mabukomvi yetu yanaonekana kama ya Gideoni. Et je finis par vous dire que pour nous chrétiens, naisha kwa kumwambia kwetu sisi wa Kristo. Cette force signifiait trois choses. Nguvu inaanza kumaanisha vitu vitatu. Trois sortes de force. Aina tatu ya nguvu. Parce qu'il faut transposer cette force dans le domaine du croyant, dans le domaine spirituel. Kwa sababu inafasali kuileta ile nguvu muali ya Kikristo. La première force na nguvu ya kwanza du croyant ya Mukristo était liée à sa position en Christ. Iliambatana na nafasi yake ndani ya Kristo. J'ai insisté hier en vous disant que si triomphe il y a, c'est en Christ. Nilitia mkazo na kusema kama ukushindi huko ni ndani ya Kristo. Nous ne triomphons pas à cause de nos prières. Atupate ushindi kupitia maombi zetu. Personne ne va gagner parce qu'il va passer toute sa vie en prière. Non. Ce n'est pas la quantité de prières qui nous fait triompher. Paul est clair dans ses propos. Il dit, rendez grâce au Père qui nous fait toujours triompher en Christ. Anasema turudishe shukrani kwa Mungu ambaye kunatuwezesha ndani ya Kristo. Tukonapata ushindi ndani ya Kristo. Christ qui est l'objet de notre triomphe. Ni Kristo anakuwa msingi hata wa kuweza kwetu. Nous ne prions pas pour triompher, nous prions parce que nous avons triomphé. Atuombe kwa ajili ya kuweza lakini tunaomba kwa ajili tutaweza kuweza. Est-ce que vous comprenez cela? Munaelewa hii? Sinon la prière deviendra comme une formule magique pour. Kwa sababu maombi ilipasha kwetu kama kitu tukakuweza. C'est pas ça le but. Na ile Dieu nous a placés dans un cadre de victoire et ce cadre de victoire c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit aussi que la force deuxièmement signifiait le caractère ou le témoignage. Beaucoup de gens ont vu des portes s'ouvrir à cause du bon témoignage. Le caractère nous précède. Beaucoup de gens misent sur le don. Beaucoup de gens misent sur des capacités. Bien prêcher, bien chanter. Guérir des malades. Prophétiser. Ça, ce sont des dons. C'est important. Mais ça ne remplace pas le caractère chrétien. Paul ne prie pas, n'a pas de douleur d'enfantement jusqu'à ce que les dons se manifestent. Mais il a des dons d'enfantement pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Le caractère est plus important que les dons. Le caractère est plus important que les capacités, que ce soit naturel ou surnaturel. Jean-Baptiste, de qui il est dit qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, n'a accompli aucun miracle. Il n'a ressuscité aucun mort. Jean-Baptiste n'a purifié aucun lépreux. Si je me trompe, je peux me corriger. Mais à ce que je sache, celui qui est appelé grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est pas grand en termes de capacité ou de miracles. Il est grand en termes de caractère. Alors qu'il était choyé par le public, Jean-Baptiste va dire, voyons Jésus. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il détourne les regards des hommes vers lui. De lui vers Christ. Les gens venaient vers lui. Et lui, il a réorienté les gens vers Christ. Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Il n'est pas grand à cause des miracles. Il est grand à cause de son caractère, de son humilité. La grandeur dans le royaume n'est pas la même que dans le royaume. Sur terre, est grand. Celui qui est devant. Celui qui a des grands dons. Dans le royaume, est grand. Celui qui reste derrière. Et qui sert les autres. Jésus est grand. Et il s'est abaissé. Jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples. Le caractère est plus important que le don. Vous connaissez l'iceberg. L'iceberg a deux parties. L'iceberg y en a quoi dans ces mumbili? Bon, ou plutôt une seule partie, mais deux parties en termes de visibilité pour vous. Il y a une partie qui est visible. Et une partie invisible. La partie invisible de l'iceberg est sous l'eau. La partie visible est sur l'eau que nous et au-dessus, nous pouvons le voir. Mais la partie la plus grande ou la plus importante, on ne la voit pas. C'est elle qui soutient tout l'iceberg. La petite partie que vous voyez qui semble grand pour vous, est soutenu par une grande partie que vous ne voyez pas. Toute construction est soutenue par un fondement. Les gens ne voient pas le fondement. Mais sans fondement, aucune maison ne peut résister. Et le fondement du croyant, c'est son caractère. C'est la partie cachée de l'iceberg qui soutient le don. Gloire à Dieu. La troisième force du croyant, je ne vais pas beaucoup commenter, parce que je reviendrai sur ça dimanche. C'est la force de son alliance en Christ. La force de son alliance. L'alliance est une force pour le croyant. Il arrivera de moments où vous serez limité, soit physiquement, soit même spirituellement, mais l'alliance va vous porter. L'alliance interviendra pour vous. L'alliance vous aidera. L'alliance est un secours pour nous. En tant que croyants, nous sommes dans une alliance. Christ constitue notre sécurité dans cette alliance. Même lorsque nous serons faibles, nous pouvons brandir cette alliance dans des moments difficiles. Vous savez, il se passe quelque chose lorsque Saül meurt. C'était un jour triste en Israël. Le roi Saül est mort. Le prince Jonathan aussi. Et ce jour-là, on a dit à Israël que Saül n'est plus. Jonathan n'est plus. Ainsi que ses deux autres frères. Lorsque la nourrice de Mephibosheth, Mephibosheth est le fils de Jonathan, lorsqu'elle apprend la nouvelle que Jonathan et Saül sont morts, elle panique. Et dans sa panique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant Mephibosheth et s'enfuit avec. Et pendant qu'elle fuyait, il s'est passé quelque chose de tragique. La Bible dit, l'enfant est tombé. Et en tombant, l'enfant s'est fracassé. Et c'est depuis ce jour que l'enfant est resté perclus de pieds. Il s'est retrouvé plus tard à Lodebar, loin du trône. Pourquoi la nourrice de Mephibosheth s'est-elle enfouie? Parce qu'elle a appris que Jonathan est mort, Saül est mort. Ce qui signifie que puisque les deux sont morts, David viendra régner en Israël. Alors dans son ignorance, elle s'est dit, puisque David viendra régner, mieux vaut que je parte avec les descendants de Jonathan. Parce que dans son ignorance, elle s'est dit, David risque de tuer le fils de Jonathan. C'est que cette nourrice ne savait pas. Il y a eu une alliance entre David et Jonathan. Dans cette alliance, David promettait de prendre soin de la descendance de Jonathan. Si la nourrice savait qu'il y avait une alliance entre David et Jonathan, en vertu de laquelle David allait protéger les enfants de Jonathan, au lieu de fuir, elle allait rester et attendre David, parce que David n'a pas prévu de tuer Mephibosheth. Mais parce qu'elle ignorait l'alliance, elle s'est enfouie avec l'enfant. L'enfant s'est retrouvé boiteux et plus tard à Lodebar. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent à Lodebar parce que simplement ils ignorent qu'il y a une alliance. L'alliance avec Christ, l'alliance en Christ, la nouvelle alliance prévoit que vous ne devez pas fuir. Dieu a prévu de vous faire du bien. Alors ne vous enfuyez pas. Dieu a prévu de vous protéger. Alors ne vous enfuyez pas. Dieu a prévu de vous sécuriser. Il y a une alliance qui crie mieux. Laissez-moi toucher le dernier point. Je reviendrai sur l'alliance dimanche. Nous allons voir quelques dimensions, quatre dimensions de la force de Gédéon. C'est le dernier chapitre de mon exposé. Si dans le temps qui m'est imparti, je ferai un effort de toucher, de parler des deux dimensions aujourd'hui. Et dimanche, nous terminerons avec les deux dernières. Quatre dimensions de la force de Jonathan. De Gédéon plutôt. Qu'est-ce que j'appelle dimension ici? Notez d'abord ces quelques définitions. Une dimension est avant tout une grandeur nécessaire à l'évaluation des figures ou des solides. Une grandeur nécessaire à l'évaluation des figures ou des solides. On parle alors de longueur, de largeur, de hauteur ou de profondeur. Éphésiens 4, 17 à 18 parle des quatre dimensions de l'amour. Longueur, largeur, profondeur et hauteur. Mais quand je parle de dimension de la force, je ne vois pas ces grandeurs. Je vais parler des grandeurs géométriques. Je ne parle pas de ces grandeurs géométriques. Dimension, c'est aussi une portion d'espace occupée par un objet ou un corps. Portion d'espace occupée par un corps. Par exemple, pour placer cet écran, il fallait un espace adéquat. L'espace ne devait pas être trop petit ou trop grand. L'espace doit être aménagé en fonction de la dimension de l'écran. De même, cette chair respecte les dimensions de support que nous allons placer. Sur cette chair, on ne peut pas amener quelque chose de beaucoup plus lourd ou de beaucoup plus grand. La dimension, c'est une portion d'espace qu'un corps occupe. Mais la dimension, troisièmement, c'est la troisième définition que je donne, c'est aussi l'importance de quelque chose ou de quelqu'un. L'importance de quelque chose ou de quelqu'un. Vous savez, quelqu'un peut vous dire, l'erreur qu'il a commise est impardonnable. Tout comme pour nous qui aimons le foot. Dernièrement, Barcelone a été corrigé 3-0 par Chelsea. Et pourtant, il y a un joueur de Barcelone, il s'appelle Torres, qui a eu une occasion. Il a raté. Cette occasion ratée a été impardonnable pour certains Barcelonais. Parce que la dimension ici révèle l'ampleur, l'importance de quelque chose. Lorsque je parle des dimensions de la force de Gédéon, je ne parle pas de ça non plus. La quatrième définition, et c'est là le sens de mon exposé. Une dimension, c'est aussi un aspect significatif de quelque chose. C'est un aspect significatif de quelque chose. C'est une facette de quelque chose. Lorsque je parle des dimensions de la force de Gédéon, je parle des facettes, des aspects de sa force. Vous voyez, les quatre évangiles ont aussi quatre dimensions. Chaque évangile nous présente une dimension. Chaque évangile nous présente un aspect de Jésus. Matthieu présente Jésus comme le roi. Marc présente Jésus comme le serviteur. Luc présente Jésus comme homme. Et Jean présente Jésus comme Dieu. Chaque évangile décrit un aspect différent de Christ. On aurait pu avoir un seul évangile. Mais Dieu a voulu, à travers les quatre évangiles, nous donner quatre aspects différents mais complémentaires de la personne de Jésus-Christ. Et de même, lorsque je parle de la force ici, il y a quatre aspects différents de la force de Gédéon. Et la première dimension, commençant, c'est ce que j'ai appelé la dimension personnelle de la force de Gédéon. Pour dire simple, la force personnelle de Gédéon. Donnez-moi Juges 6, 14. Je commence la première dimension que j'ai appelée dimension personnelle. Je ne suis pas en train de dire dimension collective. Non. Je ne suis pas en train de dire dimension d'ensemble. Non. Je suis en train de dire dimension personnelle de la force de Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va. Le verbe qui est conjugué ici, va, il est conjugué à la quantième personne. Troisième personne. Du pluriel ou du singulier? Du singulier. Va. Il ne dit pas aller. Va. Toi, Gédéon. Il y a beaucoup en Israël, mais moi j'étais choisi toi. Il y a plusieurs héros en Israël, mais la grâce est tombée sur toi. Celui qui va délivrer, ce n'est pas toi et les autres. Ce n'est pas toi et ta famille. C'est une affaire personnelle. Va avec cette force que tu. Pas vous, pas nous, pas eux, c'est toi. Je suis venu dire à quelqu'un, cette affaire, ça te concerne. Quand je dis toi, c'est pas toi et le voisin. Ce soir, je prie Dieu, si tout le monde va reculer, lève-toi, dis cette histoire me concerne. Dieu n'a pas besoin d'une majorité. Avec toi seul, Dieu peut faire la différence. Dieu n'a pas besoin de plusieurs. Avec toi seul, il peut faire la différence. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, Jésus lui-même a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais comment tu me dis qu'avec moi-même, Jésus fera la différence? Jésus a dit là où deux ou trois, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, la présence de Dieu peut se manifester là où il y a deux. Mais si tu es seul, sache que tu peux amener toi-même la présence de Dieu et commencer à faire des exploits. Tu n'as pas besoin d'attendre les autres. Je suis venu dire à quelqu'un, cette délivrance, Dieu va l'opérer. Toi, ce qui doit arriver ici à Likasi, ça arrivera par toi, par toi, par toi. Pasteur, dans Jean chapitre 4, Jésus a rencontré une femme. On ne connaît pas son nom. Cette femme a mauvaise vie. La Bible l'identifie comme la femme samaritaine. Jésus est venu au bord du puits. Il s'est assis pour attendre cette femme. Et pourtant, le but c'était d'amener le salut dans toute la ville. Jésus n'entre pas dans toute la ville. Il commence d'abord par attendre une femme. Il commence par toucher une femme. Quand la femme a vu le prophète, c'est la femme qui est allée dans la ville pour dire, venez, venez, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Je suis venu dire à quelqu'un, ça passera par toi. Pour atteindre la ville de Samarie, tu es passé par une femme. Pour atteindre la ville de Likasi, peut-être que Gédéon est là ce soir. Va avec cette force que tu as. Il n'est pas question de plusieurs. Parce que beaucoup de gens, pour faire, ils ont besoin qu'on soit nombreux. Vous n'avez pas besoin que les autres soient là. J'aime un cantique qu'on chantait autrefois. Atangai moko, nakolanda Yesu. Atanga moko, nakolanda. Tu n'as pas besoin de plusieurs. Toi-même. Je mets dans Luc 5. Jésus approche deux barques. La barque de Pierre et la barque des autres disciples. Mais la Bible dit il monta dans la barque de Pierre. Et quand il monte dans la barque de Pierre, il dit à Pierre, avance en pleine eau. Ils sont nombreux. Mais l'ordre est donné à Simon lui-même. Avance en pleine eau. Et quand Pierre avance, il attrape beaucoup de poissons. Son filet commence à se rompre. Il fait appel à l'autre barque. C'est quand ta force sera manifestée qu'elle va se déployer pour atteindre les autres barques. Mais cette affaire, elle est personnelle. L'apôtre Pierre est devant un paralytique. Il est avec Jean. Et pourtant, écoutez les propos de Pierre. Nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ils sont à deux. Mais Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Va avec cette force que tu as signifie que tu dois considérer que c'est une affaire qui te concerne toi et pas quelqu'un d'autre. David nous montre aussi cette dimension personnelle dans le psaume 23. Donnez-nous le psaume 23, on l'a déjà lu. Psaume 23. Vous allez voir la dimension personnelle dans ce psaume. Et je voudrais que chacun de nous comprenne que lorsqu'on dit va avec la force que tu as, on parle de toi de façon individuelle, de façon personnelle. Psaume 23. On va lire les 6 versets de ce psaume. Est-ce qu'on peut aller ensemble? 1, 2, 3. L'Éternel est mon ou notre? Ok. Je ne manquerai de rien. Je ou nous ne manquerons de rien. On continue. Il ne dit pas il nous fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas il nous dirige. On continue. Il restaure mon âme. Il me conduit, moi, à cause de son nom. On continue. Quand je marche, on est nombreux. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la marche du voisin. C'est ma propre marche à moi. Le berger de David, c'est aussi le berger des autres troupeaux, des autres brebis. Mais ici, David n'est pas dans une logique du berger et de son troupeau. David est dans la logique du berger et de sa brebis. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui se passe dans le troupeau qui m'intéresse. C'est ce qui se passe dans ma propre réalité. L'Éternel est mon berger, pas notre berger. Quand je marche, pas quand nous marchons. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent lorsque le voisin abandonne. Il y a beaucoup qui s'arrêtent lorsque le voisin s'arrête. Je vais même aller plus loin. Aucun pasteur n'est mort à la croix pour vous. Même si le pasteur abandonne le ministère, vous ne lui devez rien. Ce n'est pas le pasteur qui vous a sauvé. C'est Jésus qui vous a sauvé. Arrêtez de venir à l'église pour les pasteurs. Venez à l'église pour Jésus. Même si ce n'est pas le pasteur qui prêche, celui que Dieu a choisi pour nous prêcher, il est le canal autorisé de la part de Dieu. Nous serons bénis parce que la source reste la même. Je n'aime pas dans l'église les gens qui s'habituent qu'au pasteur. Et quand le pasteur n'est pas là, eux aussi ne viennent pas. Quand c'est un frère qui prêche, eux aussi ne viennent pas. Ça, ce n'est pas bien. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de mettre votre foi sur quelqu'un. Oh, ce frère-là, celui qui m'a gagné dans le Seigneur. Mais regardez, il s'est compromis. Il a abandonné la foi. Oh, s'il a abandonné la foi, c'est son problème. Toi, continue. C'est une affaire personnelle. C'est entre toi et Dieu. Jésus ne viendra pas enlever un groupe. Jésus viendra nous enlever individuellement. Oh. Le jour de l'enlèvement, on ne va pas appeler les églises. Ça ne sera pas église source féconde, venez. Maison de miséricorde, venez. Ou encore porte des brebis, venez. Ou encore centre évangélique, vie nouvelle, venez. Non, Jésus ne viendra pas chercher les dénominations. Nous serons enlevés individuellement. Ce qui veut dire, l'église ne sauvera personne. C'est la foi personnelle qui vous sauvera. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça ne sert à rien de venir à l'église sans venir à Christ. Ça ne sert à rien de venir à l'église sans rencontrer Dieu. L'église est un cadre qui nous permet de rencontrer Dieu. Mais considérez que chacun de nous est responsable de sa propre foi. Le pasteur n'est pas responsable de ton salut. Tu es responsable de ta propre foi. Paul a dit, travaillez à votre salut. Je suis, papa, rappelle moi ton nom un peu s'il te plaît mon frère. Christa. Crispin. Tu sais Crispin, il y a vraiment des gens qui m'étonnent à l'église. Ils sont même prêts à quitter l'église parce que ce dimanche là on ne les a pas salués. Oh, dans cette église personne ne me remarque. D'ailleurs on ne me salue pas. Tu amènes les blessures ici. Oui, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait la communion. Mais si personne ne t'a salué, Dieu t'a salué, ça suffit. Oh non, dans cette église, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne me saluent pas. Les gens ne m'apprécient pas. Jusqu'à ce jour, vous êtes encore à ce niveau où vous attendez que les hommes vous saluent, où vous attendez que les hommes vous apprécient, où vous attendez que les hommes vous encouragent. Nous, on attend Dieu. C'est personnel. Avancez. Même si vous restez seul, n'abandonnez pas la foi. Avancez avec Dieu. Continue. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pas avec nous. Avec moi. Frère, je ne vous prêche pas parce que Abraham l'a dit. Je ne vous prêche pas parce que Pierre l'a dit. Je ne vous prêche pas parce que Paul l'a dit. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Moi-même, j'ai aussi une expérience avec Dieu. Ce n'est pas seulement ce que Pierre a dit. Ce n'est pas seulement ce qu'Abraham m'a dit. Moi-même, j'ai goûté. Jésus est bon. Frère, il est temps que nous puissions quitter la flamme du groupe pour la flamme personnelle. Que des gens qui sont enflammés lorsqu'on est en groupe, lorsqu'ils se retrouvent seuls, il n'y a rien. Lorsqu'il se retrouve seul, il n'y a rien. Je prie Dieu que vous compreniez que la force est personnelle. J'aime le lion. J'aime le lion. Le lion, est souvent, quand il est seul, il n'a pas peur. On dit le lion ne recule devant rien. Il y a des animaux pour attaquer, il faut qu'ils soient en groupe. Mais le lion ou la lionne, même si elle est seule, elle va attaquer. Que dire du léopard? Un animal solitaire qui peut attaquer seul. Je ne suis pas en train de dire coupez-vous des gens, restez seuls. Non. Mais je suis en train de vous dire, vous avez une force en vous, agissez de façon personnelle. N'attendez pas que les gens puissent vous pousser. Continuons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses. Non, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, non, ça on a déjà lu, on continue. Tu dresses. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Du début à la fin, c'est entre toi le berger et moi la brebis. C'est entre le berger et David. Ce n'est pas le berger et le troupeau. C'est entre le berger et la brebis David. Frère, quand vous venez ici, qu'est-ce que Dieu fait chez le voisin? Ne vous décourage pas. Quand Dieu commence à bénir le voisin, quand Dieu commence à élever le voisin, au lieu d'être jaloux, ça doit plutôt te donner un message. Dieu n'est pas loin de moi. Au lieu de combattre, bénis le Seigneur. Celui qui l'a touché te touchera certainement. C'est entre Dieu et toi. C'est une affaire personnelle. Dans Juges 6, 14, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et Gédéon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je reviendrai sur ça encore dimanche, mais j'anticipe. Quand Dieu a déjà parlé, vous n'avez pas besoin d'un prophète pour confirmer. Si le prophète confirme, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas de confirmation, la parole du départ est votre confirmation d'aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent des intermédiaires. Dieu lui a déjà parlé, mais il attend. Il attend. Il attend. Il attend. C'est une relation directe entre le berger et la brebis. Direct. Je vais dire quelque chose de sérieux. Quand vous regardez le psaume 23, qui est un vrai modèle relationnel entre Dieu et nous, vous voyez qu'il s'agit du berger et de la brebis. Pasteur, j'ai remarqué qu'il y a deux choses qui manquent dans le psaume 23. La première chose qui manque, David ne parle pas de la relation des brebis entre elles. Ça va vous choquer, mais le psaume 23 n'a pas pour but la communion fraternelle. Parce que David ne dit pas ce qui se passe entre lui, la brebis, et les autres brebis. La relation n'est pas horizontale, elle est verticale. C'est entre le berger et la brebis. La communion fraternelle est une bonne chose. Mais ici, dans le psaume 23, David veut nous montrer que le berger est à lui, à titre personnel. Deuxième chose qui manque dans ce psaume, et ça c'est très important. N'est-ce pas que David est en train de parler de l'Éternel comme berger, vrai ou faux? Jean 10, complète psaume 23. Parce que Jean 10 nous donne une information sur le berger que le psaume 23 ne donne pas. Jean dit, je suis le bon berger. Et que fait le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire que le bon berger est prêt à mourir pour ses brebis. Ça, c'est la caractéristique majeure du berger. Mais quand on lit le psaume 23, on ne voit pas le berger mourir. Et c'est là qu'il faut l'intelligence. Parce que psaume 22, psaume 23 et psaume 24 forment un tout. Psaume 23 nous présente juste le berger. Psaume 22 nous présente le sauveur. Psaume 22 dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le psaume 22 voit Jésus sur la croix. Le psaume 23 voit Jésus dans sa fonction de berger. Et le psaume 24 dit, portes éternelles élevées volento, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, nous avons le psaume 22 qui est le psaume de la croix. Nous avons le psaume 23 qui est le psaume du berger. Et le psaume 24 qui est le psaume de la royauté. Or, le berger du psaume 23 ne peut plus mourir parce que dans le psaume 22, il est déjà mort. Et au psaume 24, il va régner éternellement. C'est pourquoi dans le psaume 23, David ne peut pas dire que le berger est mort parce qu'il est censé mourir un chapitre plus tôt. Le berger du psaume 23, c'est un berger ressuscité qui ne mourra plus. C'est pourquoi le psaume 23, c'est le psaume de la garantie. Peu importe ce qui va vous arriver, celui qui est avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est celui qui était mort, j'ai dit qui était mort, et qui est revenu à la vie. Et dans le psaume 24, il va vous installer dans la royauté. Votre berger est mort pour que vous ne puissiez plus mourir. Et il est revenu à la vie afin que vous puissiez régner éternellement avec lui. C'est la raison pour laquelle considérez que c'est entre vous et les bergers. C'est personnel. Alors notez ces cinq choses par rapport à la dimension personnelle de la force. La première chose que je voudrais que vous notiez, votre force est unique parce qu'elle est étroitement liée à la personne unique que vous êtes. Votre force est unique car elle est liée à la personne unique que vous êtes. Je reprends ça. Votre force est unique car elle est liée à la personne unique que vous êtes. Frère, nous n'allons pas tous avoir les mêmes forces. La force est un habit taillé mesure. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé quand je suis venu ici, on m'a donné le t-shirt Moulima. Je vais même ramener ça. C'est ce que je mets, c'est ce que j'ai mis le premier jour. Je me suis posé la question, comment ils connaissent ma taille? Qui leur a dit? Quand j'ai mis ça, écoute, ils vendent bien. Maintenant, si vous osez. Frère, personne n'en fait ce nonamika. Tu n'as même pas besoin d'enlever parce que tu vois, moi, j'ai l'autorisation de bâtir. Amen. Depuis 13 ans. Tu es marié depuis combien d'années? 17 ans. Depuis 17 ans. Tu es marié depuis combien d'années? Non, 2020. Ah, il y a un récit depuis 17 ans. 2025. Moi, ça va faire 13 ans bientôt. Pas encore 4 mois. Pas encore 4 mois. Oui. Voilà, donc moi, j'ai l'autorisation de bâtir. Ça fait 13 ans. 3 mois. Si je prends sa veste, est-ce que ça m'ira? Pourquoi? Hein? La taille, hein? Viens un peu. Crispin. Vous voyez la veste de Crispin? Taillé mesure. Si moi je porte ça, même si je ne dis pas, vous-même vous allez sentir que. Longola non Alexa, moi pour moi bien. Je suis en train de vous montrer que votre force est unique. Force na yete malingi ala takak. Et logo ya yeta lingi ala takak. Votre force est comme cette veste. Ça correspond à votre destinée. Ça correspond à vos combats. Ça correspond à vos exploits. Dieu a placé en vous quelque chose qui est taillé mesure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne serez à l'aise qu'avec votre force. Vous ne serez à l'aise qu'avec ce que Dieu vous a donné. Alors je prie Dieu, ne mettez pas quelque chose qui n'est pas à vous. Collate l'amba na yote. Collate sapatu na yote. Et que ça soit mounene. Et que ça soit mouke. Reste dans ton élément. Je prie Dieu que tu localises ta force. Que tu localises selon ta force. Si ta force est prêcher, reste là. Si c'est enseigner, reste là. Si c'est compter, reste là. Car votre force est personnelle. Votre force est à votre taille. Vous savez, il y a des choses que Dieu a taillées sur mesure. En vous envoyant sur cette terre, il a taillé ça sur mesure. Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi vous êtes né dans cette famille-là? Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi il vous a mis dans cette église? Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi il vous a mis dans ces défis? J'ai toujours dit, à chaque saison correspond un défi. Et à chaque défi correspond un homme. Et à chaque homme correspond une force. Tu es la personne pour cette génération. Moi je bénis Dieu. Il y a eu Daoussa dans ce pays. Il y a eu Aedi Nabala. Il y a eu Daoussa au Nigeria. Il y a eu Papa Jacques Verneau. Ils ont fait leur temps. Et en ces temps, Dieu vous a suscité. Le même Dieu, mais des générations différentes. Votre force est unique. Car elle est liée à la personne que vous êtes. Je vais vous poser une question. Lorsque votre véhicule est en panne, vous allez chez qui? Hein? Les mécaniciens. Pourquoi vous n'amenez pas votre véhicule à l'hôpital? Mais à l'hôpital aussi on répare, non? Mais dans un hôpital, on ne répare pas de véhicules. On répare. On soigne. Le corps humain. Lorsque vous avez besoin d'une banane, vous irez dans une pharmacie. Il y a que quelquefois au Congo où vous voyez une pharmacie commencer à vendre même les bananes. Et oui, une boutique commençait à vendre des produits pharmaceutiques. Papa, une fois, je suis même allé dans une boulangerie. Boulangerie. Dans une boulangerie, on vend quoi? Des pains, mais à côté. Bah, tiens, bilamba tombola. Non! Vous cherchez les choses en fonction du rayon. Même quand vous allez dans un supermarché, tout est dans un rayon. Il y a un rayon de jouets, il y a un rayon d'habits, il y a un rayon des aliments, il y a un rayon pour chaque chose. C'est comme ça. Dieu a placé des forces dans chacun de nous. Ce qui veut dire, puisque nous sommes le corps du Christ, ce que toi tu as comme force, peut-être que moi je ne l'ai pas. Ne soyons pas orgueilleux. Il y a des choses que nous n'avons pas. Cherche celui qui l'a. Moi j'ai ça. Toi tu as ça. Lui il a ça. Si nous voulons avoir l'ensemble, mettons-nous ensemble. C'est ça le corps du Christ. Papa, regardez ce que Jésus a fait. Avant de mourir, il prend le pain. Il le rompit. Il rendit grâce et le rompit. Et il dit, prenez ceci et mon corps. Prenez et mangez. Et puis il distribue à 12 disciples. Chacun a pris un morceau du pain. Maintenant, posons-nous la question. Si on veut reconstituer le pain dans son ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque personne qui est partie avec un morceau, il doit venir. C'est comme ça qu'on est fourni dans le corps du Christ. Il a donné des dons à l'un, parole de connaissance, à l'autre, parole de sagesse, à un autre, le don de la foi. Si nous voulons que le corps évolue, que chacun amène son don, sa force, sa capacité, pour que le... Alléluia. Je suis venu ici vous dire, vous n'êtes pas le seul à être fort dans cette église. D'autres aussi sont forts. Dans votre famille, vous n'êtes pas le seul à être fort. Ma prière ce soir, qu'il y ait plusieurs millionnaires dans votre famille, qu'il y ait plusieurs qui ont des moyens. Si dans la famille, tout le monde doit venir chez une personne, c'est que ma Bézali. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que dans une famille, que tout le monde soit fort, afin que le poids ne soit pas sur une seule personne. Jésus était le seul homme fort. Mais quand il est venu sur la terre, avant de rentrer, il souffle sur les disciples. Il dit, recevez l'Esprit. Moi, je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Pendant que je pars, il vous est avantageux que l'Esprit vienne. Mais recevez la force. À telle enseigne que quand Pierre se présente devant les paralytiques, Jésus n'est pas là physiquement, mais Jésus lui a communiqué la force. Ma prière ce soir, c'est que Dieu multiplie des hommes forts, que Dieu multiplie des Gédéons, que Dieu multiplie des Gédéons. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle, mais dans votre famille, il n'y aura pas qu'un seul qui a des moyens. Dieu va te donner à toi, aux petits frères, aux grands frères, aux cousins. Si vous êtes à 50, je prie le Seigneur que tous les 50 aient des moyens, afin que vous n'alliez pas chez une seule personne. Que chacun de nous soit fort, que chacun de vous soit fort. Et je prophétise ici, dans cette église, on aura des prophètes. Dans cette église, on aura des évangélistes. Dans cette église, on a déjà une bande chorale. Mais que Dieu vous fasse monter encore. Que Dieu vous fasse monter encore. Que dans les jours qui viennent, que le Congo chante vos chansons. Le temps est fini où vous allez interpréter les chansons des autres. Je parlais comme un prophète. Vous avez en vous une force. Que Dieu commence à travailler en vous, par vous et avec vous. Que vous soyez une bénédiction. Dans cette église, il y aura aussi des prédicateurs puissants. Oui, l'Esprit de Papa est sur vous. Autant il nous bénit ici, vous recevez le même esprit. Vous aussi, à votre tour, vous allez bénir des peuples. Et les gens vont dire, de qui c'est ce nom, mes fils? Mais au-delà de ça, je vais aller plus loin. Que Dieu suscite des hommes riches en cet endroit. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'étais en train de dire que Dieu suscite des hommes riches. Où sont-ils? Des gens pour qui 100 000 dollars c'est rien. Des gens pour qui 200 000 dollars c'est rien. Pendant que tu me dis amen, que Dieu te localise. Sois cet homme fort. Pendant que tu me dis amen, que Dieu te localise. Sois cet homme fort. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Papa, papa. Ce que je dis est sérieux. Parce que dans la Bible, il y a eu trois Joseph qui chacun a joué un rôle par rapport à Jésus. Chaque Joseph a eu une force. Chaque Joseph a fait sa part selon l'habit que Dieu a taillé sur mesure. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Le premier Joseph, c'est le fils de Jacob. Il s'appelle Joseph. C'était quoi sa force? Recevoir des rêves, recevoir des visions. Et dans son rêve, il voit que sa gerbe s'est tenue debout. Et les gerbes de ses frères se sont prosternées. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce rêve signifiait, il allait être enchaîné en Égypte. Parce que remarquez, il dit, nous étions en train de lier des gerbes, et puis tout d'un coup, ma gerbe s'est tenue debout. Avant que la gerbe ne se tienne debout, elle devait d'abord être liée. Les frères de Joseph ont seulement vu la partie où la gerbe est liée. Même lui-même, son père, a seulement vu la partie où la gerbe est debout. Ils ont dit, toi, tu régneras sur nous, mais ils n'ont pas vu la partie où, avant que la gerbe ne soit debout, elle devait être liée. Oh Joseph, comment il est arrivé en Égypte? Il n'est pas arrivé en homme libre. Il était lié comme un esclave. La gerbe était liée. Et quand il arrive en Égypte, la gerbe qui était liée est devenue debout. Dieu avait tout dit. Le premier Joseph avait pour rôle de sauver Israël de la famine. Parce que le Messie devait venir de là-bas. Il a joué son rôle. Deuxième Joseph, c'est son père adoptif, charpentier. S'il n'était pas là, il y aurait eu un problème. Parce que Jésus, selon la prophétie, il doit être de la tribu de Judas. Que dit la prophétie? Jacob regarde Judas, il dit, Judas est un jeune lion, le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de lui jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh doit venir de la tribu de Judas. Or Marie et de quelle tribu? Marie est parentée à Elisabeth. Ils sont des Lévi. Mais Jésus doit être de Judas. Or Joseph est de Judas. Il faut que Joseph, qui est de Judas, adopte Jésus pour que la prophétie s'accomplisse. Et son rôle, c'était de prendre Jésus et de l'amener en Égypte afin qu'il ne meure pas entre les mains d'Hérode. Jésus doit mourir, mais sur la croix, pas en étant bébé. Et il faut que Joseph soit là pour garder Jésus. Regardez, le premier Joseph a protégé Jésus, a protégé Israël, d'où Jésus doit sortir de la famine. Le deuxième Joseph a protégé Jésus de la colère d'Hérode. Maintenant le troisième Joseph. Jésus est mort. Il faut l'enterrer. Ce Joseph s'appelle Joseph d'Arimathée. C'est un homme riche. Il a sa propre sépulture. Mais il dit, mon maître ne restera pas là. Il prend sa sépulture. Il donne un Messie. Les autres se sont occupés de Jésus vivant. Lui, il s'est occupé de Jésus mort. Je suis venu vous dire, Jésus a besoin de Pierre qui va prêcher. Jésus a besoin de Paul qui va ressusciter des morts. Mais il a besoin de Joseph d'Arimathée, un homme riche qui va prendre son corps pour l'enterrer. Donnez-moi bonne main, je vais dire quelque chose. Parce que papa, soyons sérieux. Pierre, avec toute son onction, Pierre ne peut pas aller voir Pilate pour lui dire, j'ai besoin du corps de Jésus. Pilate est un homme élevé. Mais Joseph d'Arimathée peut aller voir Pilate. Parce que Pilate sait que Joseph d'Arimathée, c'est un homme riche. Jésus a besoin de tout type de disciples. Il a besoin des gens remplis d'onction comme Pierre. Mais il a aussi besoin de Joseph d'Arimathée rempli de poches. Eza ma bété. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Votre onction pour la gloire de Dieu. Vos millions aussi pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à Joseph d'Arimathée? Le temps est arrivé où Dieu dans cette église va élever des hommes. Il va élever des femmes. Il va élever des familles qui seront capables d'entrer chez le gouverneur pour dire, monsieur le gouverneur, nous on va avoir une campagne. Et le gouverneur va dire, à cause de vous, j'autorise. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand Jésus multiplie les pains et les poissons, c'est un jeune homme. Parce que les disciples n'avaient rien. Un jeune homme a fourni les 5 pains et les 2 poissons. Mais vous voyez dans la vie, le jeune homme a le pain. C'est ça sa force. Mais il n'a pas la position des disciples. Il n'est pas à côté de Jésus. Les disciples ont la position. Ils sont à côté de Jésus. Mais ils n'ont pas le pain que le jeune homme a. Oh, pour que la foule mange, il faut que le jeune homme qui a le pain vienne voir les disciples qui ont la position. Voici la bonne nouvelle. Le jeune homme, c'est la provision. Les disciples, c'est la position. Lorsque la provision rencontre la position, le miracle s'accomplit. Alors dans cette église, j'annonce à quelqu'un, Dieu va t'élever. Il va te donner la provision. Il va aussi te donner la position. Le temps est arrivé où tu as seulement la position, mais il n'y a pas de provision. Non, je refuse ça. Si on dit que tu es directeur, il faut que tu aies la provision d'un directeur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras la position et la provision qui doit accompagner. Vous avez une force. Ne la négligez pas. Chaque Joseph avait une force personnelle, unique, qui correspondait à sa mission. Je vais aller plus loin. Qu'est-ce que je tiens entre les mains? Les micros, hein? Ça, c'est quoi? Une baffe. Les deux instruments ont la même forme. Pourquoi? Pourquoi le micro a cette forme? Je peux la soulever. Pourquoi les baffles n'ont pas cette forme? Même la forme que vous avez dans la vie est déterminée par la mission que vous devez remplir. Si vous êtes un micro, vous ne pouvez pas avoir la forme de cette baffle. Oh. Papa, les jours où vous comprendrez, même votre taille, même votre teint, même le son de la voix, ça fait partie de votre force. Vous n'allez pas vous négliger. Donnez-moi bonne main, je vais prêcher. Hein. Papa, il y a 4 lépreux. Regardez comment ils marchent. Ils sont lépreux. Un lépreux est couvert de plaies. Un lépreux, le sang coule. Sa marche est chancelante. Il marche comme ça. Et ils se disent, si nous entrons chez les Syriens, nous allons mourir. Si nous retournons en Israël, on va aussi nous tuer. Si nous restons ici, on va aussi mourir. Mieux vaut ton coup, mettre aucun de l'Iboso. Il vous a déjà arrivé ça. Retourner en arrière, c'est mourir. Aller de l'avant, c'est mourir. Rester sur place, c'est mourir. Papa, mieux vaut mourir en avançant. Il dit, on va quand même aller. Et ils sont en train de partir avec une démarche de lépreux. Ils sont couverts de plaies. Et de l'autre côté ici, les Syriens, pendant qu'ils avancent lentement et ils entendent le bruit des chars, c'est ce que Dieu va faire. À votre force, Dieu va ajouter sa force. Il va amplifier, il va augmenter le volume. Et les Syriens entendent des chars et ils fuient. Les lépreux sont venus et ils ont ramassé à manger. Et ils ont dit, ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Vous savez, quand Dieu veut vous faire du bien, même un lépreux peut vous apporter une bonne nouvelle. Quand Dieu veut vous faire du bien, même un fou. Papa, quand Dieu voulait faire du bien à Élie, qui a amené à manger à Élie? Hein? Mais est-ce que vous savez que Noé a eu une déception avec le corbeau? Quand Noé a envoyé le corbeau n'est pas revenu. Maintenant, Dieu dit à Élie, le corbeau viendra. Élie dit à Dieu, Seigneur, corbeau, quand tu l'envoies, il ne revient pas. Mais le corbeau d'Élie est revenu. Et vous savez que le corbeau aime la viande. On te dit que le corbeau va t'apporter à manger. Matin et soir. Maintenant, Élie voit le corbeau venir le matin. Il lui dépose la nourriture. Il pose la question, mais est-ce qu'il reviendra encore le soir? Et c'est là que j'aime la sagesse de Dieu. Il n'a pas envoyé un pigeon, papa, il a envoyé un corbeau. Parce que si c'était un pigeon, vous connaissez le cri d'un pigeon. Quand le pigeon crie, c'est quoi? C'est le roucoulement. Heureusement, ce n'était pas un chat. Le chat fait quoi? Il miaule. Imaginez que ce soit un chat. Il dépose le matin. Maintenant, Élie lui dit, mais est-ce que tu reviendras le soir? Le chat lui dit, je sais pas. Miaou, miaou. Maintenant, Dieu envoie un corbeau. Je parle comme un francophone. Vous connaissez le cri du corbeau? On appelle ça en français le croassement. C'est-à-dire quand le corbeau crie, il croit. C'est-à-dire quand il dépose la nourriture, Élie lui regarde, lui dit, mais est-ce que tu viendras le soir? Le corbeau ne sait pas parler, il lui dit seulement, crois, crois, crois. Or, le verbe est croire au temps présent. Je crois, tu crois. Dieu a envoyé un animal qui peut conjuguer le verbe de la foi. Vous le voyez, corbeau, mais il communique la foi. Parce que c'est Dieu qui a dit. Je lève ma main, j'ai dit à quelqu'un, ne doutez jamais du Dieu qui a envoyé, qui a dépanné, qui vous a visité et qui a décidé de vous donner une force. Vous avez une force et cette force est unique. Alors ne vous négligez pas. Votre teint, votre taille, votre intelligence, même vos limites, tout ce qui vous constitue, c'est une force. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous appelez faiblesse, Dieu l'appelle force. Que le faible, hein? Le faible doit dire qu'il est fort. Ne dites pas que vous êtes faible. Ce que vous dites, c'est ce qui va arriver. Notez la deuxième chose. La première chose, j'ai dit, votre force est unique. Car elle est liée à la personne unique que vous êtes. Deuxièmement, et c'est intéressant ça. Avoir une force n'exclut pas les temps difficiles. Avoir une force n'exclut pas les temps difficiles. Qu'est-ce que j'appelle temps difficile? Les épreuves, les combats, les questionnements. Le temps où vous-même vous posez la question, mais est-ce que c'est seulement Dieu ou quelqu'un d'autre? Éphésiens 1 Pierre 1, 3 à 7. 1 Pierre 3. 1 Pierre 1 plutôt 3 à 7. Ici, Pierre est en train de parler des diverses épreuves. Il dit, quoique maintenant, donnez-moi le verset 7 uniquement, de 1 Pierre 1, 3, 1 Pierre 1, 7. 1 Pierre 1, mais prenons seulement le verset 7. afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, revenez vers verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant. Ça c'est bien dit. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Ceux qui doivent être attristés par diverses épreuves, c'est des gens choisis en qui Dieu a investi une certaine force. Il parle à des gens régénérés pour une espérance vivante. Être avec Dieu n'exclut pas les épreuves. Marcher avec Dieu n'exclut pas des temps difficiles. Vous pouvez recevoir la promesse. Vous pouvez même avoir la force, mais connaître le vent contraire. Ce soir, il y a des gens qui, malgré la promesse de Dieu, malgré tout ce que Dieu a dit sur eux, malgré la force qu'ils ont, ils sont en train de rencontrer un vent contraire. Ceux qui sont en train de vivre ne correspondent pas à ce que Dieu leur avait dit. Mais voici la bonne nouvelle. Ce que Dieu n'a pas dit n'annulera pas ce qu'il a dit. Même si vous rencontrez des épreuves, il a dit, va avec la force que tu as, tu battras Madian. Il n'a pas dit, va avec la force que tu as et puis débrouille-toi. Ce que j'aime avec Dieu, quand il t'envoie, il te donne déjà la garantie du résultat final. Quand il t'envoie, il te dit déjà, tu battras. C'est-à-dire, la chose est finie avant de commencer. La chose est terminée avant même de commencer. Les dieux de la Bible, ils ne nous envoient pas pour aller batailler. Ils nous envoient avec l'assurance de la victoire. J'aime les cavaliers d'Apocalypse 6. On dit qu'il partit en vainqueur et pour vaincre. Il ne part pas pour se battre. Il part en vainqueur avec l'assurance de vaincre. Frères, nous sommes comme ça. Nous partons avec une certitude que nous vaincrons. Avant même de partir, Dieu te dit déjà, tu battras. Même lorsqu'il y aura des combats, même lorsqu'il y aura des temps difficiles. Je ne sais pas ce qui va se passer après Moulima 30. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Dans 5 ans, dans 10 ans, quelle sera la couleur de votre vie? Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Je ne sais pas qui va s'opposer à vous. Je ne sais pas dans cette entreprise qui viendra pour vous faire du mal. Je ne sais pas qui cherche à vous détruire. Je ne veux même pas le savoir. Je veux seulement savoir une chose. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, persécution, dans toutes ces choses, il y a le licenciement, dans toutes ces choses, il y a la jalousie, dans toutes ces choses, il y a l'adversité. Prenez toutes les mauvaises choses, mettez ça dans toutes choses. Dieu dit, vous êtes plus que vainqueur. Un enfant de Dieu, ne redoutez pas les dangers. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le problème avec les croyants, c'est ça. Au lieu de regarder à celui qui est avec eux, et ils regardent aux menaces extérieures. Même si Jésus dort, il est avec vous dans la barque. Regardez celui qui est avec vous au lieu de regarder la tempête. Je suis venu vous dire ce soir, détournez vos regards au lieu de regarder les difficultés. Regardez le Seigneur. Avant de finir, regardez ce qui se passe. Lorsque les serpents brûlants étaient en train de mordre les enfants d'Israël, qu'est-ce que Moïse leur dit? De lever les yeux. De regarder quoi? Hein? Les serpents des reins. Voici la question que je vous pose. Entre les serpents des reins qu'ils doivent regarder et les serpents brûlants qui les mordaient, qui bouge? Qui est vivant? Qui semble plus réel? Les serpents brûlants. Mais on vous dit, ne regardez pas ce qui bouge. Ne regardez pas ce qui vous pique. Regardez à ce qui est élevé. Je ne sais pas ce qui vous pique. Les réalités, les hommes, Dieu dit, ne regardez pas vos réalités. Regardez à la croix. Vous avez l'impression que la croix ne bouge pas. Mais la puissance est dans la croix. Peu importe les réalités qui vous piquent, Dieu vous sortira de là. Et je parle ici comme un prophète. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Je ne sais pas comment, mais vous allez vous en sortir. Cette maladie n'est pas pour la mort. Vous allez vous en sortir. Cette situation-là, ça ne va pas arrêter votre force. Il a dit, tu battras Mardian. Vous allez vous en sortir. Je sais de quoi je parle. Vous allez vous en sortir. Tu regardes cette situation. Tu dis, ce n'est pas un problème. Dieu a dit, il ne va pas renier sa parole. Vous allez vous en sortir. Ton enfant va s'en sortir. Toi-même, tu ne comprendras pas comment ce dossier est terminé. Dieu va te sortir de là. De même que Daniel, en regardant le lion dans la fosse, il s'est dit, comment je vais m'en sortir ici? Je suis en face du lion. Mais il ne savait pas. Il y a le lion de la tribu de Juda qui était venu pour fermer la gueule du lion. Vous allez vous en sortir. Les trois Hébreux sont dans la fournaise. Ils ne savent pas que Dieu est un feu dévorant. Le feu du roi ne peut pas les consumer. Vous allez vous en sortir. Regardez Joseph, étranger, esclave. Il est allé en Égypte sans argent. Il est allé en Égypte mains liées, sans espoir, sans famille, sans relation. Il se retrouve en Égypte seul, sans soutien, sans espoir. Mais là en Égypte, il est devenu la deuxième personnalité. Dieu peut travailler avec vous et sans vous. Dieu peut travailler pour vous sans vous. Vous allez vous en sortir. Même si vous n'avez personne dans cette entreprise, souvenez-vous de Joseph qui n'avait personne. Vous allez vous en sortir. Même si vous vous retrouvez dans cette situation, vous dites c'est tellement difficile. Il m'a envoyé ce soir pour vous dire, vous allez vous en sortir. Cette histoire va terminer. Demain sera un autre jour. Je prie Dieu qui vous donne un nouveau cantique. Même si cette maladie, les médecins disent il n'y a pas de médicament, on ne sait pas comment vous guérir. Il faut que vous puissiez partir à l'étranger. Je suis venu vous dire ce soir, vous allez vous en sortir. Vous ne savez pas comment vos enfants vont étudier. Vous ne savez pas demain qu'est-ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce contrat, comment ça va arriver. Il m'a dit ce soir, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Va avec cette force que tu as. Les temps difficiles n'annulent pas la promesse de Dieu. Les temps difficiles n'annulent pas l'accompagnement de Dieu. Vous allez vous en sortir. Esther est orpheline. Elle se retrouve dans une situation difficile. Elle n'a que son oncle. Orpheline. Sans argent. Mais c'est elle qui a été choisie. Lorsque la grâce est sur vous, j'ai dit lorsque la grâce est sur vous, Dieu lui-même va organiser les temps, les circonstances, les événements. Vous n'allez pas comprendre. Vous êtes arrivé. Personne ne vous connaissait. Mais vous sortez avec une grande renommée. Vous allez vous en sortir. Comme Jacob. Il est parti avec un bâton. Mais il se retrouve avec deux camps. Vous allez vous en sortir. Je ne sais pas à qui je parle. Je le répète encore. Vous allez vous en sortir. Cette situation-là, tu en parleras au passé. Crois-moi, enregistre ces messages, enregistre ces paroles. Dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas dire, ce pasteur avait raison. On dirait qu'il voyait ce que je ne voyais pas. Vous allez vous en sortir. D'ici la fin des moulins ma 30, enregistrez ces paroles. Mettez-les quelque part. Dans votre téléphone, dans votre iPad, dans votre compte personnel. Enregistrez ça. Rendez-vous dans quelques années. Vous allez vous en sortir. Car les temps difficiles n'annuleront pas le plan de Dieu dans votre vie. Vous allez vous en sortir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. En ce jour, je prie, malgré les temps, malgré les épreuves, Dieu vous accompagnera. Il y a une force en vous que Dieu a déposée. Il y a une force en vous que Dieu a placée. Vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez. Vous vous en sortirez. Oh, je vais inviter la chorale, il y a ce cantique qui dit simplement Namakambole Keninga Mayele Nabele Lakayo. Namakambole Kelinga Nabele Lio. Et ce soir, je vais prier avec quelqu'un qui veut dire, pasteur, j'ai saisi ces paroles. Difficile que ton Dieu m'aide à m'en sortir. Tu es comme dans une prison. Tu es comme enfermé. Ça te dépasse. Tu ne sais où aller. Tu ne sais quoi faire. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Que je puisse m'en sortir. Que Dieu me vienne en aide. Est-ce la santé? Est-ce la vie? Est-ce les études? Est-ce l'éducation des enfants? Est-ce le mariage? Tu vas t'en sortir. Si tu es là, tu veux prier. Sens-toi libre, viens. Que Dieu t'aide à sortir de cette situation. Shalala bros. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Quel que soit le problème, tu t'en sortiras. Approche-toi avec foi. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Si c'est une maladie, tu t'en sortiras. Si c'est un problème au travail, tu t'en sortiras. Si c'est un problème en famille, tu t'en sortiras. Va avec la force que tu as. Malgré les temps difficiles. Les temps difficiles ne vont pas annuler ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on peut les chanter? Oko Sala. Oko Sala. Chante son âme. Kamwe. Nama Kamwe. Le Kira. Ça me dépasse. commence à dire à Dieu, mes yeux sont fixés sur toi. Mes regards sont tournés vers toi. Lève-toi et interviens en ma faveur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler? Oui, vas-y, parle, parle, parle. Parle. Parle. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je t'invoque. Oh. Pendant que tu pries, que le ciel t'entende. Pendant que tu pries, que le ciel t'entende. Lève tes mains là où tu es. Ce que Dieu n'a pas dit n'annulera pas ce que Dieu a dit. Quelles que soient les situations de ta vie, quelles que soient les épreuves de ta vie, rien n'arrêtera ce que Dieu a dit sur toi. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour accomplir ce que Dieu veut de toi. Tout ce que tu as, c'est pour accomplir ce que Dieu veut de toi. Même la forme que tu as, c'est pour l'objectif de Dieu dans ta vie. Je lève ma main et je déclare sur ta vie que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Personne n'arrêtera. Personne n'arrêtera. Personne n'arrêtera. Ni les difficultés, ni les épreuves, ni tes ennemis. Personne n'arrêtera ce que Dieu a dit. Seigneur, merci. Nous saisissons cette parole. Nous notons la journée d'aujourd'hui. Parce que cette parole se réalisera. Se réalisera. Je prie ce soir. Comme il y avait plusieurs Joseph, il y avait trois Joseph, chacun a accompli quelque chose dans la mission. Joseph en Égypte a accompli. Joseph, l'époux de Marie, a accompli. Joseph d'Arimathée a accompli. Je prie ce soir dans cette église qui est déjà appelée à des missions particulières. Au nom de Jésus, cette église va changer. Il y aura des Joseph, il y aura des petits enfants, il y aura des Pierre, il y aura des Paul, il y aura des Élie, il y aura des Élisée, il y aura des Ézéchias, il y aura des David. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité. Le temps est arrivé pour cette église. Même dans la famille, tu ne seras pas seul à être béni dans ta famille. Tu n'auras pas le poids de ta famille tout seul. Dieu bénira toute ta famille pour que tu n'aies pas de problème. Je déclare ce soir et je libère l'onction de bénédiction dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que ta grâce repose en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons aux offrandes rapidement. Nous voulons donner les offrandes. Ne partez pas parce qu'il y a des communiqués importants par rapport à l'école du ministère de demain, à la classe de demain. Nous donnons les offrandes rapidement, le protocole est de nous pour donner les communiqués par rapport à la à masterclass. Ne me cherche plus là-bas, j'ai changé de mon adresse. Ne me cherche plus là-bas, il y a longtemps que je déménage. Ne me cherche plus là-bas, ne me cherche plus là-bas. Non, non, non. Ce n'est qu'une parenthèse. Seigneur, merci, nous bénissons ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ok, demain nous avons notre premier masterclass. Dans notre première classe, si vous voulez, d'enseignement. Donne-moi ma farde que je donne le thème. Nous avons tous les orateurs, chaque samedi, ils donneront un enseignement d'édification. Et à la fin de cet enseignement, nous donnerons des certificats de participation. Demain, le pasteur Trésor nous parle sur l'ouvrier de Dieu dans l'église locale. Alors, l'enseignement ne prend que 2 heures. Et nous tenons à respecter les 2 heures pour qu'il ait le temps de se reposer, qu'il ait le temps aussi de regarder un peu les cassis, c'est la première fois qu'il est là. Nous commençons à 9h et nous terminons à 11h. Donc, l'orateur arrive à 8h45. La technique arrange tout, parce que ça sera projeté. Quand vous arrivez, rassurez-vous que vous avez écrit votre nom sur la liste de présence. Parce que nous allons donner des certificats à ceux qui vont participer. Et je souhaite que toute l'église, tous les serviteurs, diacres, diaconès, anciens, nous tous qui travaillons, ouvriers, nous soyons là pour suivre ces enseignements. Nous commençons à 9h, nous terminons à 11h. C'est ouvert à toutes les églises, non seulement les sources fécondes. Donc le communiqué est en train de passer pour toutes les églises de l'ICACI. Nous allons donner des certificats de participation. Et chaque orateur va signer ses... Il y aura 6 modules, donc chacun aura un module qu'il va donner. Et à la fin, nous allons réunir tous les modules. Mais chaque orateur, quand il termine, il donne les certificats de participation. Ceux qui sont loin, en ligne, nous allons créer un lien Zoom. Un lien Zoom, ils vont suivre en direct. Et ils vont aussi s'enregistrer sur le compte Zoom. Et nous allons leur envoyer les certificats électroniques selon qu'ils vont participer. Donc ça, c'est la première chose. Et je tenais à ce que tous les serviteurs des églises sous ce compte soyons là. C'est très important d'être enseigné. Bien-aimé, l'enseignement change la vie de quelqu'un. Et je prie le Seigneur. Ne prends pas à la légère la parole. Depuis que Moulim a commencé, bien-aimé, quitte les habitudes. Dieu nous donne des choses fondamentales pour la marche chrétienne. Donc nous serons là demain à 9h. Donc nous commençons à 9h. Donc soyons là demain avant 9h. 8h45, nous sommes tous assis avec l'orateur. Et à 9h, déjà, on prend les présences, on commence l'enseignement. Comme on termine à 11h, à 10h30, on va fermer les portes. Parce qu'il ne faut pas venir à la fin pour dire non, j'étais là après 10 minutes pour avoir les certificats. Non. Nous voulons être sérieux dans ce que nous faisons. Il y va pour notre vie. Et c'est très important. Le pasteur Trésor, il termine dimanche. Et après le culte, il rentre déjà sur Lubumbashi pour prendre son avion. Nous voulons le bénir dimanche. Si vous avez quelque chose, bien-aimé, ne manquez pas dimanche de bénir cet homme. Il est de l'église Philadelphie, la maison de miséricorde à Kitambo. Et c'est une grâce. C'est une grâce. À chaque saison, Dieu envoie des hommes. En chaque lieu, Dieu envoie des hommes. Nous voulons l'encourager et nous sommes bénis par son ministère. Et nous sommes bénis par le travail que l'église de miséricorde fait, que Philadelphie est en train de faire. Je pense que c'est une bénédiction pour l'église corps de Christ. Donc dimanche, soyons là. Soyons là à temps pour donner assez de temps afin de conclure. Et lundi déjà, le prophète Hippolyte arrive lundi et il commence le même lundi. Lui aussi, il a une semaine, mais on lui donnera une mission double. C'est qu'il aura école de ministère, masterclass le samedi 6, samedi le 6, le matin. Et comme il travaille avec les couples, je suis en train de m'arranger avec lui pour que samedi après-midi, on va lui bouffer un peu de temps, qu'il travaille avec le couple, parce qu'il prend l'avion dimanche. Après-midi, dimanche matin, il est en train de faire un vernissage de son livre sur les couples à Paris. Dès qu'il termine, il prend l'avion directement. Et je lui ai même dit de venir avec quelques livres ici pour qu'ensemble, nous puissions aussi être bénis par son ministère. Donc voilà le programme sur les 2 semaines. Nous prions que Dieu nous fortifie, que nous puissions travailler. Donc, éducation chrétienne, mettez ça à l'esprit et commencez déjà à vous contacter. C'est ouvert aussi à tout le monde pour que nous soyons bénis. Et Moulima 30, soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire et à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. C'est le moment de saisir et d'être béni. Donc rendez-vous demain à 8h45. Seigneur, merci, je bénis ton peuple. Je le commande entre tes mains. Je bénis cette nuit. Merci parce que tu vas renouveler ton peuple. Tes bontés ne sont pas épuisées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai été béni de cette façon que demain n'aura rien. Ce n'est pas comme mon frère, parce qu'il a été béni, que moi je ne recevrai pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Merci Seigneur, parce que tu es une source intéressable. Je te bénis, je bénis ton nom, je bénis ton peuple jour pour jour, qui est là pour écouter ta parole, pour chercher ta face. Renouvelle-nous dans ta présence. Sois béni Seigneur, sois glorifié pour tout ce que tu es en train de faire. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous accompagne dans nos maisons et dans notre vie. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.